dire ce qu'il est, cette voix. Il n'a pas de temple, pas de bannière, mais tous l'écoutent quand l'écran s'éclaire. Il ne promet rien, mais il reste dans le désert, sa constance et prière. Chaque mot est une dune sculptée, chaque stream une offrande partagée. Les fréments eux-mêmes s'arrêtent quand résonne Riderskill dans le vent sacré. Riderskill, aux porteurs du flux. Riderskill, souffle des dunes, ta voix nous éveille. Présence nous lie dans chaque tempête, tu es le pilier. Fanu Drhalzamina Shatukil Natu. Il n'y a pas de spectacle, seulement la foi dans le lien. Ceux qui regardent viennent clan, ceux qui restent viennent sable. Riderskill ne joue pas, il guide. Dans la poussière numérique, il est l'eau. Il ne tombe jamais seul. Nous sommes là, derrière l'écran, et chaque vue est un battement de cœur. Riderskill, silence sacré, Riderskill, notre lumière voilée. Riderskill, plus fort que la soirée, Riderskill, le sable te connaît.